Chapitre 6e. Je revins à moi au bout de 3 jours, pendant lesquels je n'eus pas un seul instant la notion du monde extérieur, et cependant je savais que j'étais vivant. Seulement tout en moi était lié, esprit et corps, dans l'inextricable réseau d'un engourdissement qui ne m'eût permis ni une pensée ni un mouvement. La première impression extérieure qui parvint jusqu'à moi fut le son de 2 voix. L'une, mâle, contenue, grave, l'autre d'une douceur, d'une musique exquise et si pénétrante, si conquérante pour ainsi dire, qu'il me sembla que tout mon être était une harpe vibrante à l'unisson. Instantanément alors, j'éprouvai à la place du cœur la sensation d'un souffle très rapide qui, venant du dehors, entrait en moi, si violemment d'abord que c'était presque une douleur. Mais en même temps, ce quelque chose, alors indéfinissable pour moi, se répandit en tout mon être, fourmillement de vitalité qui titillait mes fibres, des extrémités au cerveau. Puis je fus pris d'une sorte d'ivresse, avec surchauffement de l'organisme tout entier, avec surexcitation de pensée, avec flux de paroles, avec incohérence de mouvement. En fait, l'équilibre n'était pas encore établi, cet équilibre qui est à la fois la santé et la conscience. Et peu à peu, la sédation se fit, comme en un vase où le liquide, brusquement agité, reprend son niveau. Comme pour ressaisir décidément le monde extérieur, j'ouvris les yeux. À ce moment, j'étais couché à demi sur le côté, et mon regard embrassait l'ensemble de la chambre où je me trouvais. C'était l'hiver. Un feu, peu ardent, mettait au foyer une lueur rougeâtre, sous laquelle se dessinaient 2 ombres assises et penchées l'une vers l'autre. À travers mes rideaux, je distinguais aussi le reflet d'une veilleuse. On n'avait pas pris garde à mon réveil et on causait bas. Mais je reconnus aussitôt l'une des 2 voix, déjà entendue au cours de ma résurrection. Maintenant je savais que c'était celle de Georges Charvet. Comment me trouvais-je là? Je l'ignorais, il parlait. « Cette crise, disait-il, est sans doute la dernière. Comme je te l'ai expliqué, il y a en lui des prédispositions naturelles vraiment étonnantes. L'état dans lequel nous l'avons vu rappelle à s'y méprendre celui des êtres bizarres dont je t'ai parlé. Je suis convaincu qu'il en sortira sain et sauf. Le seul danger, c'est que sa léthargie, étant le résultat non d'un acte volontaire mais d'un accident, il n'a été pris aucune des précautions dont usent les hindous et que la rentrée de la vie peut s'opérer avec une violence si brutale que l'organisme ne la puisse supporter. Alors l'autre voix dit « Oh, il est jeune et fort !» Ce fut tout. Et cependant, cette seconde décida de toute ma vie. Nous autres occidentaux, nous ignorons la puissance inouïe du son. Nous passons à côté des phénomènes les plus étranges sans même leur accorder l'aumône de notre attention. Par exemple, nous entendrons tout à coup les carreaux d'une chambre vibrer fortement, alors qu'un violoniste joue de son instrument, sans nous étonner que des notes lancées par l'archet, la presque totalité, n'aient pas produit cet effet, tandis qu'une seule, et non toujours la plus aiguë, ait subitement déterminé cet ébranlement. C'est ainsi que dans une mélodie, telle combinaison d'accords nous pénètre jusqu'au plus profond de notre être, nous met le sanglot à la gorge ou le serrement au cœur, sans qu'il nous soit possible de dire quel fut cet accord qui n'a fait que passer, fugitif et rapide. C'est ainsi enfin qu'un savant a découvert aujourd'hui dans la production de certaines sonorités une force auprès de laquelle celle de la vapeur et même de l'électricité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, sont en proportion d'une chiquenaude d'enfant au coup de marteau d'un géant. C'est ainsi enfin que cette voix fit vibrer toutes mes fibres, comme la corde sous l'archet pénétra mes moelles, remplit mon cœur, circula en tout mon organisme, et que passionné, exalté, je me dressais, criant « Qui a parlé ?» Georges s'élança vers moi, et je ressentis comme un mouvement de rage, car dans ce moment, il me cacha ce que je voulais voir. Devina-t-il cette fureur dans mon premier regard? Je le crois. Car avant d'avoir touché mon lit, il s'écarta et dit « Sœur, il est sauvé !» Sa sœur, celle dont si souvent j'avais entendu prononcer le nom, nom étrange, et que seul pouvait expliquer la fantaisie d'un orientaliste, Sita, la jeune fille que j'avais à peine entrevue jusque-là, et qui m'apparaissait soudain comme évoquée à mon appel, à 20 ans, admirablement belle, avec son front haut et un peu bombé, avec ses grands yeux noirs aux douceurs profondes, avec son profil hiératique et son sourire mystérieux de prêtresse. Oh, pourquoi remuer en moi ces souvenirs? Pourquoi creuser la terre sous laquelle si longtemps j'ai tenté de les ensevelir? Pourquoi raviver en mon être ce foyer qui a brûlé ma vie? Je le veux pourtant, car c'est d'eux seuls que me viennent aujourd'hui ma résolution et ma force. Elle sortit, et je restais seul avec Georges. J'avais soudainement recouvré tout mon sang-froid, seulement je gardais en moi l'écho, jamais éteint désormais, de cette voix qui devait être à jamais ma joie et mon supplice. Je ne percevais les paroles de Georges, comme depuis je ne perçus tous les bruits, qu'à travers une sorte de voile cristallin qui fondait chaque son dans la tonalité unique dont j'étais pénétré ou plutôt enveloppé. Il me raconta d'abord comment je me trouvais chez lui. Lorsque j'étais tombé, nul de ceux qui se trouvaient là, compagnons de hasard, ne connaissait mon domicile. Mais quelqu'un s'était souvenu du nom de Charvet, et l'inquiétude aidant et aussi la crainte d'être compromis dans une rixe dont les conséquences pouvaient être des plus graves, on l'avait envoyé chercher. Il était accouru et m'avait fait transporter chez lui tandis que les amis de mon adversaire le plaçaient inanimé dans une voiture et l'emportaient. Par bonheur, la police n'était pas intervenue. Mais pendant 2 jours, l'inquiétude de Georges avait été grande, tant à cause de mon état léthargique que du péril qui semblait courir la vie de mon adversaire. Il me dit alors une chose qui me parut incroyable, mais qui était vraie cependant, je le sais maintenant. Mon adversaire était dans l'engourdissement comateux qui suivrait un coup violent reçu en plein crâne. Et pourtant, il ne portait aucune trace de coup, ni gonflement ni ecchymose. Et, ceci surtout me semblait rentrer dans le domaine de l'invraisemblable, tous les témoins de la scène affirmaient de la façon la plus péremptoire que je n'avais pas frappé, que ma main ne l'avait même pas effleuré, et qu'au moment où il s'était affaissé, il semblait qu'il eût été abattu sous un choc dont l'instrument était resté invisible. Si bien que les pseudo-savants, étudiants de la bande, croyaient à une congestion subite déterminée en lui par l'excès de sa propre colère. Ce qui était manifestement faux, puisque depuis la veille, il était complètement rétabli, sans ressentir aucun des symptômes qui suivent nécessairement une commotion cérébrale interne. Et puis je savais bien que je l'avais frappé moi, sinon de mon poing, tout au moins de quelque chose qui avait jailli de moi. « Ah ça, me dit Georges en riant, tu sais donc le sanskrit, toi ?»« Pourquoi cette question ? » fis-je en rougissant un peu. « Parce que dans les intermittences de la léthargie, alors que la force vitale faisait effort pour rentrer en toi, tu as prononcé quelques phrases, et des plus correctes. C'est ma sœur qui s'en est aperçue. Elle ? Ah, tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Depuis la mort de mon pauvre père, Sita est venue habiter avec moi, et elle a manifesté de si extraordinaires dispositions pour l'étude des langues orientales que j'ai dû consentir à ce qu'elle partageât nos travaux. Et en 2 ans, il m'a semblé que je ne fusse plus qu'un écolier auprès d'elle. Elle n'a pas appris, je suis certain qu'elle s'est souvenue. Il y a dans notre famille un cas d'atavisme bien singulier, et qui ne s'est révélé que par les aptitudes de mon père. Jusque-là, rien de notre famille, autant du moins que nous pouvons remonter dans son passé, ne semblait la rattacher à l'Orient. Mais voici quand mon père et en moi, le désir d'apprendre s'est manifesté comme à notre insu et sans qu'à vrai dire notre volonté soit intervenue. Voici qu'enfin ma sœur, que jusqu'en ces derniers temps j'avais tenu naturellement à l'écart de ses études, s'est tout à coup révélée, en quelques semaines, l'interprète le plus profond, le plus intelligent, le plus devin, pour ainsi dire, des langues de l'Inde du Sud. Là où pour mon père et pour moi, sous le sens littéral des mots, se cachaient des obscurités impénétrables, où sous la forme philologique l'esprit philosophique nous échappait, Sita a la prescience plus encore que la science. L'inintelligible lui paraît clair, l'insondable s'entr'ouvre. Ah, mon ami, si tu savais dans quel monde sans borne elle m'entraîne à sa suite, monde sublime dont nos plus pures jouissances d'esprit ne sont qu'un reflet à peine perceptible. Et tandis qu'il parlait, je voyais l'enthousiasme éclairer son visage comme une lueur qui eût rayonné de quelque foyer inconnu. De cet instant, ma résolution était prise. Moi aussi, j'avais l'intuitif désir de cette science, et j'en venais à me persuader que pour moi, comme pour eux, existait je ne sais quelle prédestination atavique. Ne reconnaissait-il pas lui-même qu'il était surprenant que j'eusse si aisément, seul, acquis les premiers rudiments d'une langue, restée encore dans le domaine de l'érudition? Ma patience même n'était-elle pas une preuve de mon aptitude innée? Georges était bon, faible même, aussi accueillait-il mon projet avec joie. Il m'avait toujours traité en frère cadet, et il lui plaisait, surtout après ma longue absence, reprendre à mon égard son quasi-droit d'aînesse, droit de protection et aussi de surveillance. J'avais dépensé niaisement mes premières années de jeunesse. Aucune voie ne s'ouvrait devant moi. Je ne manifestais aucun goût pour le barreau ni pour la médecine. Pourquoi contrarier cette tendance qui ressemblait à une vocation? Seulement, me dit-il, il faut obtenir l'agrément de ma sœur. Je le regardais surpris. Quelle objection raisonnable pouvait-elle opposer à mon désir? Tu ne connais pas Sita, me répondit-il. Elle est la gardienne du temple. Je n'attachais point à cette phrase plus d'importance que le sens littéral n'en semblait comporter. D'ailleurs, est-ce que, tandis que j'affirmais au frère l'expresse volonté de m'instruire dans les sciences hindoues, je ne songeais pas avant tout à la sœur, à celle dont la voix m'avait soumis, conquis, à celle que déjà j'aimais d'un amour si violent que toute ma vie, toute mon énergie, toute mon ambition convergeaient vers elle seule. Vivre dans son atmosphère, me baigner dans les ondes de sa voix, dans les fluidités exquises de son regard, voilà ce que je rêvais. Et elle m'eût refusé ce bonheur, pourquoi donc ?